Mec, je suis pas là pour revendiquer des trucs, te dire niquer le système, alors qu'au fond de moi j'en ai rien à foutre. Te dire que j'ai un gun, tu me testes. La seule détente que j'ai pressée, c'est ta gun en plastique. Je vais pas dire je nique les keufs, alors qu'au commissariat j'y ai jamais mis mes seufs. Mec, je vais pas dire je suis plus grosse Carla de ma tête. Eux-mêmes te le diront, dehors on voit à peine ma tête. Je vais pas dire j'ai de la peine, car le pays part sérieusement en couille. Cool, ça me fait de belles beuges et je m'en tape. C'est pas pour ça que je taffe, tant que ma famille et les miens se portent bien, le reste je m'en bats. Je vais pas dire je nique le FN en leur consacrant un texte complet juste pour les salir, alors qu'on sait dire que ces gens-là sont des putes, des chiens. Alors à quoi bon gaspiller notre salive, hein? Dans mes textes, je vais pas te raconter de la merde juste pour me rendre un petit peu plus crédible. Dans mes textes, je vais pas te raconter de la merde juste pour rendre mes récits plus plausibles. Dans mes textes, je vais pas te raconter de la merde juste pour me rendre un petit peu plus crédible. Je vais pas dire, je vais pas dire. J'écrirai un texte sur l'état sur leur gros talma, les casses, les meufs classes, les malades d'armes et les mamas, sur ceux qui dans leur tête sont mal. La société c'est mots, ceux qui représentent le son, la mort, sur les anges et le démon, sur la vie d'un flic en banlieue, sur son avis de la banlieue, les bandes, les braquages de banque, sur les hardeuses et ceux qui bandent, les balances qui ne tiennent pas leur langue, les familles en chien qui luttent et qui remontent la pente. Un thème sur mes proches et les bâtards qui m'entourent, les procs, ces jeunes innocents qu'on accuse à tort. J'écrirai un texte sur les religions, sur les guerres qu'elles causent et sur qu'elles causent un état, une région. Sûr que sur ce thème j'aurais plus qu'un 16, comme celui sur l'inceste, la pédophilie et tous ces actes salaces. Je ferai un texte sur le décès du pape, le nouveau ancien nazi, la résurrection du rap. Ouais ouais. Un putain de truc sur l'esclavage, la déportation, l'apartheid et tous ces dérapages. Mais je préfère faire un texte sur les bonnes schnecks plutôt que les politiques, les schmitts et ces fils de pute de bonnes heads. Dans mes textes, je vais pas te raconter de la merde juste pour me rendre un petit peu plus crédible. Dans mes textes, je vais pas te raconter de la merde juste pour rendre mes récits plus plausibles. Dans mes textes, je vais pas te raconter de la merde juste pour me rendre un petit peu plus crédible. Je vais pas te dire, je vais pas te dire, je vais pas te dire, je vais pas te dire, je vais pas te dire, je vais pas te dire.